pour each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Ce soir à l'aérospatiale, le comité d'organisation de la solitude spatiale, l'exposition collective Sortie du bois et les passages insolites d'Ex-Muro. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. C'est Jean-Tiens de la France qui est avec vous pour cette première émission de la saison 2018-2019. Donc, après avoir collaboré à l'animation avec Audrey Carreau pendant 3 ans cette année, c'est toute seule que je me relance dans l'aventure avec beaucoup de bonheur. Mais je suis pas vraiment seule parce que j'ai une très, très belle équipe de chroniqueuses et d'un chroniqueur qui vont venir me rejoindre au micro tout au long de la saison pour parler d'art visuel à Québec avec moi, avec vous, avec nous. Et vous allez retrouver des voix connues. Il va aussi y avoir des nouvelles voix qui vont s'ajouter cette année. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site pour en savoir plus sur les nouveaux membres de l'équipe de l'aérospatiale. Dans quelques instants, je vais recevoir Julien Lebargie, Catherine Barry et Johan Maubrun qui vont venir en studio avec moi pour parler du comité d'organisation de la solitude spatiale. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous de l'autre côté de cet extrait. Donc, c'est un extrait de Operation to Destroy Ground Targets de Longman. Donc, toujours encore une fidèle collaboration de Simon Roy, donc, qui nous propose cette sélection musicale cette semaine. Alors, de retour avec vous, j'ai en studio Julien Lebarger. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Julien vient nous parler d'un projet artistique qui va avoir lieu au cours de la prochaine semaine. Et il est accompagné de deux administrateurs et administratrices. Donc, Catherine Barry, bonsoir. Bonsoir. Et Yoann Monbrun, bonsoir. Bonsoir. Et la troisième administratrice du projet, Marie-Andrée Bégin, qui est absente actuellement. Donc, Julien Lebarger, ce comité d'organisation de la solitude spatiale qui supervise 604 800 secondes de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce projet-là? Oui, alors, ce projet est un projet de performance où, donc, comme tu viens de le dire, j'ai invité trois administrateurs à rédiger des procédures qui définissent des activités minute par minute, et ce, pendant une semaine, 24 heures sur 24. Heureusement, j'ai quand même quelques heures pour dormir par jour. Oui, c'est important quand même. Et donc, c'est un projet qui s'inspire, si j'ai bien compris, de ces missions spatiales, donc de cette préparation que les astronautes font pour aller dans l'espace. Oui, mais les activités, j'avais laissé champ libre aux administrateurs de définir le type d'activité, mais ils savaient quand même que c'était très inspiré justement de ces camps d'entraînement pour les astronautes. Donc, l'influence a été là, mais ils étaient vraiment libres de choisir le type d'activité puis de les décrire et de les définir tels qu'ils voulaient. Donc, Catherine Barry, Yoann Monbrun, donc vous êtes administrateur, administratrice. Est-ce que vous avez comme défini des différents champs de spécialité à l'intérieur de ces tâches-là que vous a donné Julien Lebarger dans ce projet? Oui, bien sûr. En fait, on a travaillé en plusieurs étapes. On s'est rencontrés d'abord, on a fait des tempêtes d'idées ensemble, on a listé toutes les activités qu'on avait envie de faire à Julien. On a fait un peu de recherche aussi chacun de notre bord pour voir qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. Et puis après, on se les a séparés. Effectivement, en fonction de nos spécialités, l'entraînement physique, c'est pas ma spécialité, c'est celle de Yoann. On s'est séparés. Marie s'est occupée plutôt des repas. Donc, chacun ce qu'on se sentait plus à l'aise de faire. Et puis, on est arrivé avec, je pense, des belles procédures complètes. Donc, ces procédures-là, si j'ai bien compris, c'est minute par minute, c'est ça? Oui. Donc, est-ce qu'on peut prendre, par exemple, on parle de l'activité physique, Yoann, est-ce que tu peux nous donner un exemple du minutage d'une activité d'entraînement physique que tu donnes à Julien Lebarger? Oui, ben en fait, au cours de la semaine, il va y avoir, par exemple, des exercices de rameur, du vélo, et puis aussi, entre guillemets, un semblant de crossfit. Le minutage va de quand l'heure commence, par exemple, à 18h, ça dit qu'à 18h02, il faut qu'il revêt son équipement, sa montre. Si c'est le vélo, par exemple, il va devoir vérifier que, par exemple, les pneus sont encore bien gonflés, que c'est bien attaché. Et à 19h05, il monte sur son vélo. 19h06, il allume sa montre. 19h07, il commence à pédaler. Puis, par exemple, ça peut aller jusqu'à 18h, par exemple, 18h15, et pour lui laisser une petite période de chauffe. Puis ensuite, à 18h16, il y a une autre... on monte en puissance, par exemple, avec un exercice de 3-4 minutes à 90% de ses capacités. Donc, tout ça est minuté jusqu'à la fin de l'heure, ou en tout cas du temps qui est imparti, avec éteindre sa montre, se déshabiller, replacer le matériel, et ensuite un petit temps de transition pour passer à l'activité d'après. Wow! Il n'y a pas quelque chose de... Il n'y a pas comme une pression, un stress qui vient avec tout ce besoin d'aller toujours revalider la procédure, parce que tout au long de l'activité, il faut comme aller relire, est-ce que je suis rendu au bon moment, est-ce que je suis rendu à la bonne activité? Oui, effectivement, mais ça me prend aussi de bien connaître le manuel, de connaître les procédures, peut-être pas encore très en détail, mais au moins savoir quand est-ce que je vais devoir les relire. Et puis de toute façon, chacune des procédures commence en début d'activité par prendre connaissance du déroulement de l'activité. Donc ça me permet en quelques secondes de savoir quand est-ce que je vais devoir relire. Si j'ai 4 informations en une heure, je vais pas avoir à regarder mon manuel trop souvent. Par contre, si j'en ai 70, ça montre que je dois le regarder plus d'une fois par minute. Oui, c'est ça quand même. Et donc, le rôle des administrateurs, c'était de mettre en place ce procédurier-là. Est-ce que vous avez également un rôle à jouer pendant la performance et après la performance, Catherine Barry? Oui, en fait, il y a un quartier général qui a été aménagé à Manif d'Art, à Coopérative Méduse, et puis nous, on va faire des veilles à cet endroit-là. D'ailleurs, il y aura stream live, donc on va pouvoir voir Julien via des caméras qui est filmé. Donc, de ce local-là, on va pouvoir aussi le voir sur Internet. Et puis, donc, c'est ça, nous, on va être au quartier général. Il y a aussi des moments, plusieurs soirées dans la semaine où il y a des rencontres. Donc, on va être à différents endroits, au Level Up, à la cuisine, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, au Troquet, à Manif d'Art et au Troquet. Mm-hmm. Et puis, on a aussi un devoir de... On fait des veilles, en fait. Nous, on surveille ce que fait Julien, on vérifie s'il suit bien nos procédures. Et puis, on s'assure aussi qu'il n'y a pas de problème, parce que lui, il est tout seul, il est isolé là-bas. Donc, on a ce travail-là. Et dans ces moments-là que je vois un peu comme des espèces de moments publics, parce que oui, on peut visionner en continu la performance sur YouTube, sur Twitch, mais il y a ces moments, ces rendez-vous à la cuisine, à différents endroits. Est-ce qu'il va y avoir une interaction entre Julien et le public ou Julien est vraiment complètement isolé, Julien Lebarger? Ça dépend des activités. Par exemple... Le samedi soir à la cuisine, il y a une interaction, mais qui va que dans un sens. C'est-à-dire que moi, je vais avoir le son de la cuisine, je vais avoir l'ambiance de la cuisine, je vais pouvoir donc danser. Par contre, les gens ne m'entendront pas. Le lundi, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, il y a 30 minutes de communication extérieure. Donc là, il y a une communication qui est établie avec les gens qui seront sur place et aptes à me poser des questions auxquelles je pourrai répondre en direct. Cette période de communication, d'interaction avec le public, on la retrouve aussi le jeudi soir au Troquet, pendant une demi-heure. Le reste du temps de l'activité est imparti aux administrateurs qui parlent du projet, qui animent le projet. Et il y a aussi une quatrième personne dont on n'a pas parlé encore, qui s'appelle William Dion, qui lui va commenter. Donc c'est l'animateur en quelque sorte. Exactement. Uh-huh. Et lui va diffuser sur Twitch. D'accord. Et puis, bon, Twitch, moi, je connais pas vraiment ça. Donc, c'est quoi les avantages d'utiliser la plateforme Twitch pour diffuser cette performance-là par rapport à YouTube, par exemple? À l'origine, ça devait être complètement diffusé sur Twitch. Et pour des problèmes de logistique et puis de maniabilité pour moi, finalement, c'est diffusé principalement sur YouTube. Mais l'idée de Twitch, c'était que c'est une plateforme qui était moins connue de la plupart des gens, mais une plateforme spécialisée pour les jeux vidéo. C'est donc des gens qui jouent, on voit leur performance graphique, mais ils commentent en même temps ce qu'ils sont en train de faire. Donc historiquement plus connu de voir sur Twitch des gens commenter leurs propres affaires que sur YouTube. Oui. Donc c'est une plateforme qui m'intéressait, surtout qu'elle n'est pas dédiée à l'art à la base. Donc je faisais une appropriation d'une plateforme qui était autre. Oui, il y a ce côté-là, donc, de cette performance Julien Lebarger, qui est une performance à la fois très conceptuelle, mais qui veut aussi sortir l'art du champ de l'art. Est-ce que j'ai raison? C'est une tentative. C'est aucunement pour rejeter les centres d'artistes et les galeries, mais juste créer des alternatives possibles, créer d'autres moyens de diffusion qui seraient accessibles de plus loin. D'un plus grand nombre, sachant que la plupart de ma famille est encore en France, ils n'ont jamais pu voir une de mes expositions, mais là ça me donnait l'opportunité de pouvoir leur montrer mon travail via cette plateforme web et peut-être développer des sortes de pratiques qui me permettraient d'optimiser ce type de diffusion-là. Et si on revient à cet espace de confinement, le Centre d'expérimentation de la solitude spatiale, sous quelle forme est cet espace-là? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est complètement fermé? Comment il est aménagé? Je ne répondrai pas sur la dimension du local. Mm-hmm. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu... Pourquoi? Parce qu'il y a tout un jeu, en fait, qui nous permet de nous éloigner de la télé-réalité où on verrait des images réelles du lieu. Il y a une déformation visuelle qui est voulue, qui joue beaucoup sur nos perceptions, justement, peut-être du temps, mais de l'espace. Et ça, j'aimerais le conserver jusqu'à la fin du projet. Toutefois, l'aménagement a été pensé en sorte que les zones dédiées donc à des activités précises, comme par exemple la zone de contrôle qui est un espace d'infirmerie ou la zone de conception qui me permettrait de faire des activités de fabrication, sont délimitées par un tape rouge qui symbolise des murs. Donc j'ai pas le droit, je ne peux pas passer par-dessus la ligne, il faut que je contourne les lignes et puis il y a des espaces ouverts qui symbolisent des portes par lesquelles je peux avoir accès à la zone. Donc, il y a quelque chose de très théâtral aussi. On fait semblant qu'il y a des murs, qu'il y a des portes. Oui, ça rejoint toutes les problématiques de simulation que les astronautes font pour se préparer à aller dans l'espace. Donc, on n'est pas, et puis moi encore moins qu'eux, là, mais on n'est pas nécessairement dans le concret. On est dans des simulations, des reproductions. Et ça nous amène, en tout cas moi, à voir à quel point je peux respecter des valeurs symboliques qui n'existent pas, juste par le fait même que ce sont des contraintes qui sont imposées. Donc, on va prendre une courte pause audio et on va continuer après la pause à parler avec Julien Lebarger et ses administrateurs. Donc, encore une fois, une proposition de Simon Roy de Longman. Alors, de retour avec Julien Lebarger et ses administrateurs, Johan Maubrun et Catherine Berry. Donc, Johan et Catherine, vous avez été donc sollicités pour administrer ce projet qui est le comité d'organisation de la solitude spatiale. Et vous avez écrit des procédures, on en a parlé en première partie d'entrevue, mais qu'est-ce que vous avez fait au-delà de d'élaborer ce procédurier-là, parce que j'imagine que votre implication est beaucoup plus grande là. Oui, Johan? En fait, il faut bien comprendre qu'effectivement le comité, son principal mandat, c'était la rédaction du manuel. Mais si on se remet en contexte, Julien est un ami, est avant tout un ami, donc ça fait plusieurs mois, ça fait quasiment un an qu'il travaille sur ce projet-là. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans ma collaboration là-dedans, c'est c'était moi qui ne suis pas un artiste, de pouvoir participer à tout ce processus créatif qui va de la discussion, l'idéation du projet. Après, effectivement, il y a eu la phase de rédaction. On est rentré dans les dernières semaines dans la phase de l'installation, le dispositif. Tout à l'heure, on parlait des murs avec le scotch rouge au sol. Il faut bien comprendre qu'au-delà de juste planter un scotch au sol, il y a des préoccupations artistiques que Julien a. Donc, j'ai envie de dire que moi aussi, je ressors, entre guillemets, enrichi de ce projet-là parce que j'ai eu la chance et le privilège de participer à toute cette dimension-là qui va, comme le disait un peu Catherine tout à l'heure, se finir la semaine prochaine avec la partie animation-supervision. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un projet qui n'a pas commencé il y a 2-3 semaines. Ça fait un an que Julien en parle, ça fait 8 mois qu'on est un peu plus dans l'action, puis ça fait 6 mois qu'on est véritablement investi. Donc c'est vraiment, c'est une mission. Là. On est en mission pseudo-spatiale, mais quand même en grande mission. Et puis, comme toute mission assez importante dans laquelle on se plonge là-dedans, Julien Lebergie, le confinement, suivre des procédures qui sont très strictes, être surveillé en permanence. Moi, j'avais envie de te demander, mais qu'est-ce que tu appréhendes le plus dans toute cette expérience qui s'en vient quand même dans 2 jours? Qu'est-ce ça commence là? Oui, effectivement, difficile de répondre à cette question. La solitude m'effraie, la surveillance a une tendance anxiogène sur moi, puis l'autorité, j'ai quelques conflits avec ça. Donc je ne sais pas quel est le pire. Par contre, l'indice qui va être à surveiller, qui est à mon avis le centre du projet, c'est la solitude. D'ailleurs, pendant que c'est diffusé sur YouTube, il y a toujours une mention qui s'appelle ISS, qui fait référence à la station internationale, mais qui est pour le projet l'indice de solitude spatiale. C'est un indice que je peux changer n'importe quand dans la journée, qui va de 1 à 10, 1 étant une situation où je suis assez confortable, 10 étant une situation où peut-être qu'il faudrait que je songe à sortir de là rapidement. Donc oui, c'est ça, je reviendrai peut-être plus sur la question de la solitude, qui serait au préalable la chose que je veux vérifier. Puis forcément, j'en viens à dire que ce projet-là n'est pas destiné à dénoncer des pratiques comme la surveillance ou notre solitude par rapport à nos écrans d'ordinateur, parce que c'est des choses qui savent, c'est des choses qui sont déjà dites maintes fois en art. Ce projet repose vraiment sur une sorte d'expérimentation dont je suis le sujet, et je veux voir comment je réagis à ceci. Et au préalable de cette expérimentation, on voit que, on en parle depuis tout à l'heure, c'est quand même un projet qui s'étale dans le temps pour la préparation, mais du côté de la préparation physique ou de la préparation plus psychologique, est-ce qu'il y a des éléments qui ont été pris en compte là, pour préparer Julien à cette expérience-là? Oui, Catherine Barry, on te pointe. Ben, entre autres, une des activités qu'on a prévues pendant la semaine de confinement, il y a des activités de gestion du stress pour aider Julien à passer à travers. Oui, j'ai vu, c'est assez mystérieux, l'activité de gestion du stress, c'est large comme... Oui, il y a beaucoup de ça, je vous inviterai à le regarder pour voir ce qu'il va faire, mais c'est entre autres une chose que les astronautes font beaucoup pour se préparer au voyage dans l'espace, parce que c'est stressant être dans une station spatiale ou être dans un vaisseau. Donc, de la même façon, Julien a des exercices de gestion du stress à faire à tous les jours, puis c'est assez long. Puis, il y a des choses, je pense, qu'il a faites pour commencer à se préparer. Donc, commencer à méditer un peu, regarder un peu ça ressemble à quoi, du yoga, des choses comme ça. Puis là, il va pouvoir se reposer là, demain avant d'entrer finalement dans le local pour rentrer en forme. Ouais, Johan s'est occupé d'essayer de maintenir ma condition physique aussi avec des entraînements puis des séances de gym qui a pas forcément été un grand succès, mais qui finalement sur un an s'avère être peut-être un bon fond préparatif. C'est bon. Donc j'imagine on revient au sujet qu'on a abordé au début de l'entrevue. Johan, tu me parlais d'exercices qui sont liés à la rame, donc au cyclisme. Donc il va y avoir un ensemble, il va y avoir un gym dans cet espace-là? Il y a un gym. Il y a un gym dans l'espace? Oui, il y a une zone d'entraînement, effectivement, parce que si on fait encore le parallèle avec les expéditions spatiales, bah, là aussi, sans être un fin connaisseur, j'imagine qu'il y a toute une réflexion autour de l'entretien physique. Oui. C'est un peu ça aussi qu'on a voulu reproduire. Puis au-delà de ça, je pense qu'une semaine enfermée dans un local, je pense que ça nécessite à certains moments qu'ils puissent sortir le méchant, comme oui, on dit. Oui, c'est bon pour la gestion du stress. Et donc, parmi d'autres activités qu'il y a au programme, il y a également la cueillette d'échantillons, la gestion des végétaux. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ces tâches qui sont assez équivoques à mon oreille? C'est embêtant d'en parler. Je vous inviterai, comme Catherine le disait, à regarder ce qui va se passer pour... Mm-hmm. Je voudrais pas dévoiler le contenu des activités. C'est bon. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être intéressant. Parfois sérieux, parfois pas vraiment sérieux. Il va y avoir différents tons qui ont été utilisés pour la rédaction. Après, à savoir comment moi je vais le lire et puis effectuer l'activité, ça va être autre chose. Ouais. Mais à la base, quand on a décidé de faire ces activités-là, c'est qu'on s'est inspiré de ce que les astronautes ou de ce que nous, on pense que les astronautes font. Oui. Donc, aller ramasser des échantillons de Terre, par exemple. Mm-hmm. Puis, dans les films de science-fiction, il y a toujours une place où on fait pousser des plantes ou une mission sur Mars, ils se plantent des tomates. Des choses comme ça. Donc, on s'est inspiré de ces choses-là pour faire les activités. Après, ça peut avoir pris toutes sortes de tangentes quand on a fait la description. Différentes tangentes, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est trois personnes avec nos histoires, nos styles différents. Alors, même si dans le manuel, il y a une certaine standardisation dans l'écriture, là, pour que les choses puissent se ressembler, puis que ça constitue un véritable manuel. Mon style ou ce que j'ai proposé est complètement différent de l'approche de Catherine ou de l'approche de Marie-Andrée. Donc ça c'est intéressant aussi de voir comment trois approches ensuite se retrouvent dans un seul manuel et puis comment, comme le disait Julien, lui va interpréter ça puis le reprendre entre guillemets à sa propre manière. Donc, il reste un peu plus d'une minute à l'entrevue. Donc, peut-être qu'on pourrait faire un tour de tout ce qui va se passer durant cette semaine. Ces 604-800 secondes de la vie de Julien Lebergie qui seront supervisées par le comité d'organisation de la solitude spatiale. Donc, ça commence vendredi. Vendredi à Manif d'Art de 5 à 7. Suivi donc le samedi à Cuisine pour une soirée avec un DJ, signature Maurice Tremblay. De 21h à 23h, le lundi soir à la librairie Saint-Jean-Baptiste de 19 à 22, le mardi au Level Up Formule 5 à 7, jeudi 5 à 7 aussi au Troquet, et le sortissage le vendredi d'après à Manif d'Art de 5 à 7h aussi. Et visible en continu en tout temps sur les plateformes YouTube et Twitch. Oui, principalement sur YouTube. Donc, je vous remercie, Julien Lebergie. Merci à toi. Catherine Barry, Yoann Montbrun. Merci. Et nous, on part pour une pause publicitaire et on revient tout de suite après. 89.1, Québec. CKRL. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Club, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En septembre, voyez au Cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Alors, de retour à l'aérospatiale, toujours Gentiane Lafrance avec vous en studio. Et j'ai avec moi Anne-Marie Rébillard, bonsoir. Bonsoir. Et au bout du fil, Carole Baillargeon, bonsoir. Oui, bonsoir Gentiane. Donc, je vous ai invité toutes les deux pour parler de l'exposition Sortie du bois. Donc, Carole Baillargeon, tu en es la commissaire et Anne-Marie Rébillard, tu es une des artistes qui y expose. Oui. Donc, cette exposition-là a lieu à Deschambault, dans deux lieux patrimoniaux, le Vieux Presbytère et le Moulin de la Chevretière. Et c'est la deuxième exposition collective d'une série de trois, je crois, Carole. Oui, c'est exactement ça. Une forme de triptyque qu'on a commencé il y a 2 ans, dont pour la première exposition, c'était la thématique du bois. Et dans 2 ans, ça sera celle sur le métal, le fer en particulier. Ouais. Donc, et cette édition aussi amène donc ensemble des artistes qui travaillent le bois, donc différentes interventions que les artisans peuvent faire sur la matière. On l'explore, on la décline. Anne-Marie Rémillard, tu es joaillière. Oui, oui, c'est ça. Et bon, lorsqu'on pense aux bijoux, normalement, on va penser plus au métal, à la pierre. Mais toi, tu travailles avec des matériaux qui sont assez différents, dont le bois, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exploration des matériaux qui sont hors joaillerie, je dirais. Oui. C'est sûr que ma formation est en joaillerie plus traditionnelle, mais au cours de mon parcours, j'ai découvert ce qu'on appelle le bijou contemporain. Il y a déjà des invités qui en ont parlé ici à l'émission. Et donc, c'est vraiment une pratique artistique qui peut explorer n'importe quel matériau, aussi bien au niveau conceptuel qu'au niveau des techniques, les matières, les textures, tout ça, pour servir vraiment le propos qu'on veut défendre. Donc, au même titre que la peinture, la sculpture, la performance, le bijou contemporain peut vraiment être une pratique artistique à part entière. Et bien sûr, toujours, il y a l'idée du corps qui est là, le rapport au corps qui est très présent, puisque c'est des bijoux qui sont quand même destinés à être portés. Et quand j'ai vu les bijoux que t'as produits qui sont exposés dans cette expo Sortie du bois, on voit qu'il y a du bois de grève, oui. Qui est aussi, il y a aussi du plastique, oui. Et évidemment moi les fils se touchent dans ma tête. On pense évidemment à, et c'est un sujet d'actualité en ce moment, cette présence grandissante de plastique dans, oui, les océans. Est-ce que c'est quelque chose qui anime tes réflexions? Oui, peut-être pas. C'est sûr qu'on a l'impression quand on regarde mes pièces qu'il y a vraiment des considérations écologiques. Elles sont bien présentes, mais c'est pas ce qui m'anime au point de départ. C'est vraiment comment la marque que l'être humain est en train de laisser sur son environnement est en train d'effacer vraiment de déplacer en fait la frontière entre le naturel, ce qu'on appelle nature, et le culturel au sens large de ce que va produire les humains pour vivre, que ce soit de la musique, mais aussi des objets et le plastique, évidemment. Donc, par exemple, on va se promener en forêt, sur le bord d'une grève, et on va voir des morceaux de plastique sur lesquels des coquillages, du sable vont être greffés, et tellement des fois qu'on a de la difficulté à savoir est-ce que c'est l'œuvre de la nature ou est-ce que c'est l'œuvre de l'humain. Donc vraiment, mes bijoux, c'est ça. J'ai ramassé du bois de grève et récupéré du plastique. Ces deux matières-là, je les ai travaillées. Je les ai pas gardées à l'état naturel, avec des techniques de joaillerie, des techniques traditionnelles de joaillerie que j'ai appliquées sur ces matériaux-là. Donc, quelque part, moi aussi, j'ai fait un acte culturel sur ces matières-là pour en faire des bijoux. Ouais. Donc, comme tous les artistes, les artisans qui sont exposés dans cette expo Sortie du bois, c'est cette espèce d'intervention sur le matériau du bois qui rassemble un peu les différents univers. La question s'adresse évidemment à Carole Baillargeon qui est au bout du fil, n'est-ce pas, Carole? Oui, exactement. En fait, c'est vaste, la question du bois, si on oui, peut dire. C'est ça, parce que c'est utilisé beaucoup, puis il y a beaucoup de savoir-faire qui est lié au travail du bois. Mais c'est certain que je voulais parler des différents états du bois dans un sens très large, comme ce que Anne-Marie fait, de travailler le bois flotté. Je pense qu'avec sa présentation, sa proposition, on sort des clichés de ce qu'on voit habituellement du travail du bois flotté. Ça nous amène dans un univers poétique. Et la même chose, il y avait l'état du bois, mais lorsqu'il est papier aussi. On a des œuvres qui réfèrent au bois, mais qui sont en papier. Le charbon de bois aussi, l'ultime, la fin du cycle, si on veut, avec encore une proposition d'une artiste qui est en joaillerie contemporaine, Catherine Chédy, qui a travaillé le charbon de bois pétrifié. On a du bois brûlé, on a du bois recyclé. On voulait aussi présenter le son du bois, ce que le bois produit, un effet sonore. On l'a pas concrètement, mais c'est pour ça qu'on présente des savoir-faire en lutherie avec une proposition de Louis Saunier qui est luthier. Il y a deux violons et un archet qui sont réalisés en bois. Ça montre en même temps un savoir-faire de précision avec cette matière-là naturelle. Puis on a deux autres installations. Là, on peut vraiment expérimenter le son. Une qui est des cuillères musicales en bois, donc on peut apprendre à jouer de la cuillère en visitant l'exposition. Puis on a une exposition de Fred Lebrasseur, qui est percussionniste, qui est très connu dans la région de Québec, qui pour l'exposition a fait une installation extraordinaire. Puis donc on vient, on visite son exposition, on voit son installation, on voit un amas d'objets faits en bois, où il y a du mobilier, toutes sortes d'objets anciens, des fois qu'on n'a plus le nom, on ne sait pas à quoi ils servent. Et lors d'une résidence de création, il a créé cette installation-là avec des petits robots il a tout programmé ça. Donc, on pèse sur la pédale et on met en marche un concert qui fait résonner le son sorti du bois, finalement, de tous ces objets-là. C'est extraordinaire, oui. Donc, on a vraiment une déclinaison de ce travail du bois qui va dans beaucoup de directions. Mais même si il y a beaucoup de l'approche contemporaine qui est très très présente dans l'exposition, j'ai l'impression que on revient beaucoup également au traditionnel et au savoir-faire. Oui, mais en fait, l'autre des expositions et culture et patrimoine des Chambeau-Grondines. Donc, c'est eux qui gèrent les deux lieux d'exposition de notre... qui abritent notre exposition sortie du bois. Et déjà d'emblée, quand on rentre dans ces lieux-là qui sont historiques et patrimoniales, déjà l'exposition, il y a des œuvres rentrent en dialogue. Je pense que beaucoup de visiteurs peuvent le voir. La présence du bois, surtout au Moulin de la Chauvatière, elle est dans la structure du bâtiment. On voit des œuvres comme Bill Vincent, on voit tout de suite la relation avec la structure du bâtiment, là, de la façon qu'on a exposé ces œuvres. Donc oui, il y a ça. Et c'est les savoir-faire aussi. En fait, on va vers des savoir-faire qui sont souvent de base. Mais qui sont toujours conjugués avec une expression contemporaine. Donc, c'est un heureux mélange de savoir-faire métier d'art avec les arts visuels aussi contemporains. Et je dirais qu'on ne sent pas de frontières en l'un et l'autre. Ça fait une exposition qui forme un tout, qui est vraiment agréable à visiter parce que on ne dit pas « Ah, un ou l'autre, tout se tient, tout dialogue, toutes les œuvres dialoguent l'une entre l'autre. Les commentaires sont, en tout cas, vont dans ce sens là, en général là, de ceux qui visitent l'exposition. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont présents. On n'a pas eu le temps de parler de tout le monde, mais j'aimerais quand même terminer la conversation en soulignant le travail de Mathieu Fecteau à cause de ce rapport-là qu'il a fait. Donc, c'est vraiment un travail de médiation artistique qui est fait avec la population locale. Oui, en effet, Mathieu, dans notre trilogie qu'on fait, on a toujours à chaque fois une activité de médiation. Donc, cette fois-ci, ça s'intitule Les Hurluberlus. Alors, on a proposé cette thématique-là à Mathieu et il a créé un atelier sur mesure pour l'exposition. Et un hurluberlu, dans le cadre de l'exposition, c'est un oiseau imaginaire qui est constitué de bois. Alors, il a rencontré des groupes scolaires, trois groupes scolaires de la de l'école primaire de Deschambault. Et puis, il a aussi fait une journée dans le cadre de la journée famille à Deschambault au mois de juin. Et c'était des ateliers pour réaliser des hurluberlus. Alors, avec des pièces de bois précoupées, les gens assemblaient et réalisaient avec d'autres matériaux un oiseau imaginaire. Et on en a, quoi, on présentait dans le moulin de la Chevrotière, au grenier du vieux presbytère. Donc, il y en a une centaine là, de suspendus au grenier. C'est très émouvant de voir la diversité des propositions qui sont présentées là. Bien, merci beaucoup à Carole Baillargeon pour cette entrevue. Merci Anne-Marie Rébillard. Merci à toi. Et l'exposition Sortie du bois est présentée jusqu'au 30 septembre. Oui. Et on vous suit aussi pour la troisième édition de cette suite de trois expositions. Donc, la prochaine édition qui va être en 2020 qui va être consacrée au métal. Oui, c'est ça. Et nous, on va partir en pause audio. Et au retour, on s'entretient avec Anne-Sophie Homer. Alors, c'était un extrait de Songs of Glassblowers, toujours une sélection de Simon Roy. Bonsoir, Anne-Sophie Homer. Bonsoir, Jean-Tienne. Alors, première chronique pour la première de la saison. Donc, on va parler de Passage insolite d'Exmuro, donc un rendez-vous annuel depuis quelques années déjà, là, tout l'été. Comment as-tu trouvé l'édition de cette année de Passage insolite, Anne-Sophie? Eh bien, écoute, comme d'habitude, pleine de surprises. Donc là, cette fois, c'est la cinquième année. Et effectivement, on a quasiment 9 nouvelles œuvres cette année sur le parcours. Je dis quasiment puisque l'œuvre de Robert Engenwald, cet arbre magique qui tourne, on l'avait déjà vu l'année dernière. Mais ailleurs. Mm-hmm. Donc finalement, sur le parcours, il reste une surprise. Mais je trouve que là, il est bien placé devant la gare. Je ne sais pas si tu as fait attention. Je pense qu'il y a tout un public qui doit se laisser surprendre. Oui, avec ces deux œuvres de mosaïculture aussi qui l'encadrent, quelque chose de très humoristique. Vraiment, non, j'aime beaucoup. Puis c'est vrai que c'est un passage qu'on peut faire si on a la chance d'être disponible pour le vernissage, de le faire avec les artistes, avec tout le monde. Puis sinon, ça peut être quelque chose qu'on fait avec son running, avec... avec ses invités venus d'Europe. Par exemple, d'aller se balader, d'aller profiter du soleil. Et puis voilà, donc de belles surprises. Surprise encore une fois. Et puis, évidemment, comme chaque année, on a plus ou moins certains coups de cœur. Moi, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais vous parler de mes coups de cœur. Oui, on veut savoir c'est quoi tes coups de cœur, Anne-Sophie. Alors, j'avoue que ça commence, puis dès le début, on a Les heureux naufragés d'Isabelle Demers et de Fanny Ménard. Alors moi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que j'avoue que c'est un coup de cœur. Hein, franchement, ça se fond vraiment bien dans le décor. On a ces animaux. Alors l'œuvre s'appelle Les heureux naufragés, mais ils sont quand même avec des couleurs particulières. Et puis on a quand même l'usine de papier au fond. Je sais pas, tu sais, on en parle, on se dit que ces animaux, peut-être qu'ils sont heureux d'être sur cette île de naufragés, mais derrière, finalement, avec cette usine, avec oui, il y a quelque chose d'un peu ironique là, dans ce titre. Il y a vraiment une ironie. Puis ils sont là, ils se baladent sur leur île. J'avoue que moi, j'aime beaucoup parce que ça a été une belle surprise, puis ça fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que les touristes qui s'attendent pas à voir ça, ça reste une surprise. Puis il y a cette idée-là un petit peu utopiste de ces animaux du monde entier, puisqu'on a quand même un kangourou, un ours, un cerf, un lapin. Oui, il y a quelque chose de l'idée de l'Arche de Noé aussi, oui. Dans cette petite île qui flotte avec quelques échantillons d'animaux. Il paraît même qu'il y a une famille de canards qui va y nicher quelques temps. Je te le confirme, ils y étaient encore là la dernière fois, puis ils ont dû se demander pourquoi eux n'avaient pas le droit à ce beau costume bleu. Et cette île, elle flotte. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où je me suis rendu compte que l'île bougeait, qu'elle flottait. Elle est ancrée sur les parois. Bon, faut dire que c'est à l'espace 400e au bassin Louise, donc dans un de ces segments qui sort un peu du bassin. Et donc, il y a ce mouvement qui anime l'île, un léger va-et-vient qui est quand même assez intéressant. Mais c'est ça. En plus, tu le vois pas tout de suite. C'est avec les algues qu'il y a dans le bassin où tu t'aperçois un moment que ça bouge. Et puis, c'est effectivement... Si tu ne vois pas les petits fils de maintien, tu peux penser qu'elle va et qu'elle vient librement. Donc ça, j'avoue que ça a été quand même un de mes petits coups de cœur. Je vais continuer avec un autre qui a été aussi une belle surprise. D'ailleurs, le musée de la civilisation trouve l'œuvre La tête ailleurs de Fanny Giguère, qui est à l'angle de la rue Saint-Pierre et de Saint-Antoine. Pourquoi je l'ai aimée? Parce que petite, j'avais ce genre de livre. Vous vous souvenez, vous tirez sur la page et vous avez ça faisait en fait de l'ombre au cinéma, qui était ce mouvement. Un principe d'animation. Complètement. Mm-hmm. Qui est un jeu optique. Et en plus, ici, il est sonore puisqu'elle y a rajouté des petits tintements comme de cloches à l'arrière. Donc là, le spectateur est invité à actionner la manivelle pour faire bouger, faire nager finalement cette nageuse, faire voler cet oiseau et cette bouche comme ça qui s'anime. On retrouve oui, parce que c'est présenté à la verticale. Oui. Ces éléments-là qui montent vers ça le va ciel. Ça va vers le ciel. Et moi, j'aime beaucoup... je sais que j'ai toujours un certain attrait pour l'œuvre participative, parce que surtout en art public, je trouve ça intéressant quand le public est appelé. C'est à taille d'enfant, donc le public peut vraiment participer, quel qu'il soit. Ça a été un de mes bons coups de cœur. J'ai été aussi agréablement surprise de l'œuvre Le Gaga, Les piliers du postmodernisme, puisque eux, ils s'ancrent vraiment bien dans le décor. Donc, c'est poteaux, finalement, rose et bleu turquoise. Il y a vraiment une exploration spatiale, puis oui. C'est un travail in situ. Oui, vraiment. Et le rose au sol commence un petit peu à disparaître. Mais je trouve ça intéressant parce que j'ai vu à plusieurs reprises des gens prendre leur dîner sur ces bancs. Et ça fait vraiment bien partie. Moi, il y a vraiment un truc pour Passage Insolite, c'est que j'aimerais que ça dure toute l'année. Tu vois, les œuvres là que je cite et puis les autres que j'aurais pas le temps de parler. J'imagine que pour la conservation des œuvres, ça, oui, ça serait plus compliqué. mais c'est ça, c'est tellement agréable de se balader là et puis à chaque fois de faire de belles découvertes ou de les redécouvrir d'un autre angle où les gens, ça fait complètement partie du paysage des gens, oui, du quotidien. Oui, c'est ça, c'est de vivre avec les œuvres d'art, c'est ça qui est intéressant, oui, vraiment. Les projets d'art public comme ça. Et puis, un petit peu la nouveauté cette année, c'était la ville de Québec qui a demandé à l'artiste d'intégrer un peu d'histoire du patrimoine, donc on le retrouve avec Jean-Robert Drouillard et un monument pour Marianne qui est, il a travaillé qu'un historien qui lui a demandé effectivement de travailler sur cette petite histoire de cette Amérindienne qui s'était enfuie de chez l'aubergiste. Oui, elle était esclave. Elle, exactement. C'était l'aubergiste-là, oui. Voilà. Et donc, il en a fait une sculpture qui est face à celle de Louis XIV sur la place... Oui, un buste en face à face avec le roi de l'époque. Voilà. Donc, on a vraiment quelque chose de la confrontation. Et il y a le travail du bois aussi de Jean-Robert Drouillard qui vient contrebalancer le travail du bronze coulé. Oui. Voilà, donc qui passe effectivement de la même façon bien, puisque c'est sur la place Royale. Donc, je pense que elle va être prise en photo pas mal de fois là depuis le 26 juin. J'y passe régulièrement et je vois beaucoup de touristes poser, oui, avec le personnage. Puis c'est intéressant parce que ils ne le font pas nécessairement en connaissance du projet, non, ou de cause, ou en lisant le cartel, ouais, mais il y a cette présence là, ouais, qui une espèce de noblesse qui est redonnée à ce personnage qui a été oublié, qui avait un rôle d'esclave. Donc, je trouve ça quand même, ouais, très très beau comme comme principe. Ouais. Ouais. Et avant de terminer, et puis de donner les dates de passage insolite pour pas que vous les ratiez, je voudrais juste, j'ai encore un dernier petit coup de cœur, c'est le clin d'œil de la station spatiale qui tombe sur la voiture. Oui, enfin, on peut faire un pont avec Julien Lebergie qu'on aurait reçu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais. Nous voilà dans l'espace en ce moment. Donc, cette œuvre, effectivement, est assez surprenante puisqu'on voit c'est un satellite canadien de 1962. Exactement, le premier satellite canadien à avoir été envoyé dans l'espace. Voilà, donc le voilà craché sur une voiture, sur une rue passante. C'est la rue Saint-Paul, hein? Oui, exactement. Donc, on est dans le coin des restaurants avec les terrasses, les touristes qui passent. C'est une œuvre qui est très, très surprenante. Oui, vraiment. J'aime la surprise. Ouais, et qui est très accessible et très humoristique aussi. Oui. Là, donc, les passages insolites, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 14 octobre. Donc, merci beaucoup, Anne-Sophie Homard. Nous, on part en pause audio et on vous revient tout de suite après avec l'agenda de la semaine. Merci, Jean-Tienne. Donc, c'était un extrait de la pièce « Digère le vide » de La Fête, un groupe de Québec. Donc, il y a cette pièce qui provient du EP « La Fête Laps Split ». Avant que j'oublie, il y a Carole Bayargeon qui nous a retéléphoné hors d'onde pour nous spécifier, et je le savais pas, que le 30 septembre, il va être possible d'aller visiter gratuitement l'exposition « Sortie du bois » dont on vient de parler avec Anne-Marie Héré-Billard et Carole Bayargeon à Deschambault. Donc, l'entrée va être gratuite pour la dernière journée de l'exposition. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le domaine des arts cette semaine. C'est la rentrée culturelle à Québec, donc beaucoup, beaucoup d'événements en ville. Demain, il va y avoir le double vernissage à Pêche Sherpa, Jean-Claude Bélanger en vitrine et Bertrand Dugas en galerie. Et vendredi, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à Méduse. Je vous invite à aller voir l'événement Facebook qui détaille tous les éléments. Donc, il y a des lancements de sites Internet, des capsules vidéo. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Mais juste pour en mentionner quelques-unes à ne pas manquer, à 18h, il va y avoir la performance d'Anne-Françoise Jacques et Éric Normand au studio d'Avatar au 5e étage. Il va également y avoir, à 18h30, une performance audiovisuelle « Emotional Synthesis » de Lucas Paris. Et à partir de 18h jusqu'à 21h, ça va être les vernissages des expositions Blue Skies de Megan Dickey et Ode au cœur endormi de David Martineau à l'œil de poisson. Ça va être également le vernissage de l'exposition Balano Morpha du terrain au dessin, de Julie Bellavance du côté de chez Engram. Le vernissage des expositions Les extraterrestres ont mangé mon jardin d'Elsa Stupé à Vue et les attentes d'Evelyne Leblanc-Roberge également du côté de Vue. Et à la bande vidéo, ça va être le vernissage de l'exposition James Bond Megamix de l'artiste Holly Sorensen. Et ne pas oublier également le comité d'organisation de la solitude spatiale qu'on a reçu tout à l'heure va fêter l'entrée en confinement de l'artiste Julien Lebergie qui va rester enfermé pendant une semaine. Également, à 19h, la projection « Dieu est dans les détails », programme de cours expérimentaux canadiens qui va être présenté par Antitube et la bande vidéo. Ça va être à la galerie de l'atelier de la mezzanine. Et toute la soirée, c'est à l'atelier de la mezzanine que la fête se fait. Donc, c'est organisé par l'Œil de Poisson. Donc, ça va être très, très festif. Et si on sort de Méduse, parce qu'il y a des choses qui se passent également à l'extérieur de la coopérative, il ne faut surtout pas manquer à matériel. Ça va être le vernissage en 5 à 7 de Bivouac, la bataille des fourreaux, donc qui regroupe les œuvres d'Isabelle Demers, Anouk Desloges et Émilie Proulx. Et à la Galerie 3, à partir de 17h30, ça va être le vernissage de Mathieu Vallade. Et ne pas manquer également le Festival de l'Inattention, qui est organisé par l'Œil de Poisson et qui va avoir lieu dans l'espace public autour de Méduse, donc dans la rue. Donc, c'est un festival qui est consacré à ces œuvres furtives qu'on ne voit pas nécessairement au premier regard. Également, au cours de la fin de semaine, ça va être la première Biennale internationale du carnet d'artistes à Beauport qui va débuter. Vous en saurez plus à la prochaine émission, alors que je vais recevoir Anne-Yvonne Jouan pour en parler. Et dans le Vieux-Québec, il y aura une exposition de 2 jours à l'atelier de Virginie Mercure et également une performance d'Alexandre Dubé qui va avoir lieu à 13h samedi au parc municipal qui se trouve au croisement de Dorchester et de la Reine. N'oubliez pas, c'est la dernière semaine pour aller voir encore plus de pièces, une exposition collective à Espace Parenthèse, donc à voir d'ici vendredi. C'est ainsi que se termine cette édition, cette première émission de l'aérospatiale. Donc, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. J'aimerais remercier nos invités Julien Lebargie, Catherine Barry, Johan Montbrun, Anne-Marie Rébillard et Carole Baillargeon. Et merci à Anne-Sophie pour sa chronique. Merci à Simon Roy pour la musique et à Jacques Gignac, notre Johan Miro de la console. Demeurez à l'écoute parce que de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais et son équipe qui viennent en studio pour discuter et débattre cinéma à l'émission Situation Critique. Merci, à la semaine prochaine! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vanessa, de la succursale Saint-Roch, vous suggère « La chanson de ma mère », un recueil de poésie d'Alain Larose. D'une grande force évocatrice, le livre nous fait traverser la vie d'une femme jusqu'à ce que l'oubli s'empare d'elle. Le narrateur rapièce le passé et le présent et nous fait accéder à des tableaux intimes. C'est une histoire universelle, celle de la vie qui s'en va, qui nous est dépeinte avec crudité, mais surtout avec une infinie tendresse. Et Édouard, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose « Kalpa impériale », un roman fantastique signé Angelica Gorodischer. Rassemblée en une vaste fable au relent d'éternité, voici l'histoire du plus grand des empires, celui qui a toujours survécu et renaîtra sans cesse. À travers ses gloires et ses déchéances, c'est la saga de toutes les grandes puissances du monde qui prend forme, convergeant en un récit unique, grandiose et captivant. La librairie Pantoute. Une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Le cirque, c'est pour tous. Et c'est pas juste un moyen de se mettre en forme. Pour les tout-petits, ça veut aussi dire développer sa motricité et sa coordination. Pour les plus âgés, c'est l'occasion de redécouvrir son corps et de triper tout en bougeant. À l'École de cirque de Québec, vous pourrez faire tout cela. On vous offre des cours accessibles à tous. De 2 ans à 70 ans, avancés ou débutants, c'est le moment de vous inscrire pour l'automne. Informez-vous sur écoledecirque.com. Premier acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et les productions Le Temps qui s'arrête présente Justin. Mes chers amis, c'est une nouvelle page de notre story qui se tourne tonight. Une ère of change remplie de défis qui frappent à notre door. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Du 13 au 22 septembre, assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises,